On commence. Dans la deuxième partie, nous aborderons le sujet « Brûler les mémoires de l'âme ». Maintenant, quand on applique certains champs d'activité comme l'informatique, on veut éliminer un fichier, on va dans un gestionnaire de fichiers, on efface le fichier. C'est simple. Est-ce qu'il y a des possibilités équivalentes pour un être humain d'avoir accès à sa mémoire et de brûler une mémoire, d'éliminer, d'effacer une mémoire, avec simplement la reconnaissance de cette mémoire? Est-ce qu'il est possible pour un individu de simplement éliminer une mémoire? Brûler la mémoire de l'âme, ça ne veut pas dire éliminer la mémoire. Brûler la mémoire de l'âme, ça veut dire neutraliser les pensées qui la mettent en vibration. Une mémoire, c'est toujours bonne. Peut-être que l'homme peut vivre des expériences sur le plan matériel, la mémoire n'est pas nécessairement bonne. Au niveau de l'évolution, elle est bonne. Une mémoire, d'abord, une mémoire, ça ne se brûle pas. La mémoire de l'âme, ça ne se brûle pas, dans le sens que ça ne s'élimine pas. C'est toujours conservé quelque part dans les plans, dans les archives. Ou on emploie l'expression « brûler la mémoire de l'âme », c'est dans le contexte où on veut dire que là où l'âme, sur le plan matériel, vit une souffrance par rapport à une mémoire, cette souffrance-là est actualisée par ses pensées, sa façon de penser. Et ce sont ces façons de penser-là qui doivent être neutralisées. Ceci neutralise la mémoire de l'âme sur le plan mental. Quand on parle de brûler une mémoire, on parle de contrôler, neutraliser la pensée astrale qui la fait surgir dans la conscience. Parce qu'un homme qui vivrait une souffrance, si la pensée n'est plus là pour la lui faire rappeler, elle demeure enregistrée dans les annales, mais elle ne le fait pas souffrir. Okay. Mais pour ça, il faut qu'il soit suffisamment intelligent pour comprendre que sa mémoire, ou cette mémoire-là qui crée de la souffrance, elle est soit utile ou inutile. Quand on parle de brûler une mémoire, il faut regarder le côté utile et inutile. S'il y a souffrance reliée à une mémoire, cette mémoire-là n'est pas utile pour le mortel. Elle peut être utile pour les plans. L'ajusteur de pensée peut utiliser une mémoire d'âme pour la construction plus perfectionnée d'un véhicule mental au cours de l'évolution. Ça dépend de à quel niveau d'évolution l'individu est rendu. Mais il y a de la mémoire d'âme qui fait partie de l'expérience humaine sur la Terre qui n'est pas utile à l'homme. Dans ce sens qu'elle va le faire souffrir. Et si l'homme prend conscience de ceci, ce qui se passe, c'est qu'il transmet son corps émotionnel. Parce qu'il n'y a pas de souffrance liée à la mémoire sans émotion. Autrement dit, un homme qui aurait un centre mental et un centre émotionnel totalement disconnecté, l'un de l'autre, deux centres psychiques totalement disconnectés, ne pourrait pas souffrir mentalement d'une mémoire. Parce que la mémoire, au niveau du mental, elle devient expliquée dans sa fonction si l'homme est simplement mental. Moi, j'en ai vécu des souffrances dans ma vie. La mémoire peut être ramenée de ces souffrances-là, mais parce que j'ai accès au plan mental, on va m'expliquer la mémoire. Donc, je ne peux pas vivre de souffrance par rapport à ce moment-là, parce que je n'ai pas d'émotion rattachée à cette mémoire-là, à cause de vision. Tandis que l'homme, lui, a encore de l'émotivité reliée à son mental. Donc, quand il vit de la mémoire, il la vit toujours par rapport à un facteur émotionnel. Et c'est le facteur émotionnel dans la pensée que l'homme doit faire attention, que l'homme doit neutraliser. Je donne un exemple. La petite fille, elle est chum, elle est en amour, elle a une peine d'amour, elle vit dans sa soupe pendant des mois, elle ne veut plus travailler, elle ne veut plus se lever. Est déprimé. Bon, mais c'est l'émotion reliée à l'expérience qui a fait souffrir. S'il n'y avait pas d'émotion dans sa perception mentale, elle comprendrait l'expérience et elle continuerait son affaire. Donc ça, ça fait partie de son évolution, ça fait partie de sa programmation, ça fait partie de l'expérience de l'âme, incarnée, et ainsi de suite. Mais un jour, elle va grandir, puis elle va avoir souffert ça, puis un jour, ben, elle va s'apercevoir que un de perdu, 10 de retrouvé, que la vie continue, et ainsi de suite. Puis c'est comme ça qu'on vit l'expérience. Seulement que c'est fatigant de toujours vivre d'expérience comme ça, d'expérience comme ça. C'est pour ça que l'homme doit, pour brûler la mémoire, ou autrement dit, pour brûler les mémoires qui font souffrir, il faut qu'il focus sur l'émotion qui est connectée au mental, qui met cette mémoire-là en relief et qui astralise sa conscience et qui fait en sorte que des égrégores constamment polluent sa conscience. Parce que les égrégores, ce sont des entités d'énergie, ce sont des forces qui ont une vie par elles-mêmes et elles reviennent, ils reviennent, ces égrégores-là, puis ils reviennent, puis ils reviennent. Vous savez que quand vous avez une grande souffrance, ainsi de suite, sur le plan de l'émotion, ça prend rien pour la déclencher, pour la ramener à votre conscience mentale. Puis c'est là que l'homme doit neutraliser ces égrégores-là. Et pour neutraliser un égrégore, il faut disconnecter le champ de force émotionnelle au champ de force mentale. Mais ça, ça demande une sorte d'intelligence, une sorte de maturité. Puis ça peut aller très loin, ça peut même aller dans l'intelligence occulte de l'expérience. Mais les gens n'ont pas, en général, accès à la dimension occulte de l'expérience. Ils ne sont pas capables de parler par télépathie avec les circuits universels et de dire, ben, pourquoi est-ce que ça m'est arrivé ça en telle année, telle chose, puis telle année, telle chose, puis telle année, telle chose. Donc, l'homme, ne pouvant pas avoir de l'information créatrice, utile, explicative sur sa condition humaine pendant cette expérience-là, il ne vit que la mémoire de cette expérience-là. Et c'est là la souffrance humaine. Et c'est là qu'il la brûle, dans la mesure où il est capable de disconnecter l'émotion du mental. Puis c'est pas facile, disconnecter l'émotion du mental. Je connais un type, par exemple, dans le Nord, là, qui est marié depuis plusieurs années, puis il s'est divorcé dernièrement, là. Puis c'est très difficile pour lui en tant qu'homme, en tant qu'égo mort. Ça a été très dur pour lui de supporter, de vivre ce divorce-là. Là. Sa femme qui s'en va, là, puis toute l'affaire de la maison, la séparation des biens. Au niveau de son ego, ça a été très dur. C'est un échec pour lui. Hein. Bon, là, ça commence à se tasser, là, parce que ça fait des mois. Avec le temps, ça se tasse, ça. Mais il a toujours rien pensé qu'il y ait. Ça fait partie de l'expérience de l'âme. S'il était conscient, ce type-là, ben, il pourrait aller en dedans, puis parler avec la source, puis dire, bon, ben, pourquoi est-ce qu'on s'est divorcé? Puis l'autre, il dit, là, bon, ben, tu t'es divorcé, puis t'as raison, il dit, OK, c'est correct, bonjour. Fini. Mais c'est pas le cas parce qu'on a une conscience expérimentale. On fait encore partie de l'évolution. On n'a pas de connaissance de soi. On fait l'expérience de soi. Puis on fait l'expérience d'un soi qui est fracturé, qui a été diminué par l'inconscience. On fait l'expérience d'un mental qui n'a pas de lumière, qui a une certaine lumière astrale. On peut pas parler à notre chum, à notre principe universel, à notre moi universel, à notre contrepartie universelle. Donc on est obligé par intuition ou par réflexion, est en communication avec des plans inférieurs. Vous semblez dire, Bernard, que le seul fait d'être informé sur une situation qu'on vit émotivement semble être une façon de neutraliser ou de brûler la... Ah, ça, c'est intéressant. Non. Le seul fait d'être informé, ce n'est pas suffisant. Par contre, le seul fait ou le fait d'être informé, dépendant du niveau de l'information, dépendant de la source de l'information, une souffrance, quand tu connais la vie, là, quand tu sais comment ça marche, là, une souffrance, l'homme ne veut pas souffrir. L'homme ne se met pas dans la merde pour se mettre dans la merde. Il n'y a pas un homme qui se fait souffrir pour rien. L'homme s'est astralisé. Ça fait partie de son expérience évolutive. L'homme conscient s'est astralisé. Ça fait partie de son expérience évolutive. Mais il n'y a aucun homme qui peut accepter gratuitement la souffrance. Moi, je suis obligé de dire, bon, ben, l'homme en évolution va souffrir. Tu ne peux pas passer d'évolution à l'évolution sans souffrir, parce que on est trop ignorant de nous-mêmes, on a trop de voiles, on a trop d'illusions. C'est ça qui crée nos souffrances. Mm-hmm. Mais c'est pas parce que je dis que l'homme qui entrera dans une, qui accédera à une conscience supramentale, je peux pas dire que sa souffrance, ça me fait plaisir. Je peux pas dire que ma souffrance d'initié me fait plaisir. Ma souffrance m'a donné quelque chose, m'a amené à quelque chose, m'a fait transmuter quelque chose. Mais je peux pas dire de façon absolue que ben je suis content d'avoir souffert. Ça, c'est niaiseux. Ça, c'est spirituel. C'est parti. Ça, c'est... Par contre, je peux dire que sans cette souffrance-là, j'aurais pas pu transmuter mes corps pour arriver à un certain niveau de vibration mentale, me libérant des contraintes de l'âme, de la mémoire personnelle. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis que l'homme souffrira des grandes souffrances. L'homme nouveau, les fils de la lumière souffriront des grandes souffrances à leur niveau. Parce que tu ne peux pas rentrer dans une conscience universelle sans sortir de ta conscience astrale. Ce que, par exemple, les initiés dans le passé, comme les Nazaréens, qui disaient, je suis descendu aux enfers. Les initiés descendent aux enfers, les initiés font le voyage de Dante. Faut que tu puisses descendre dans tes propres enfers pour sortir finalement du plan astral, puis pas seulement les enfers, mais aussi les hauts plans spirituels, si l'homme est pour entrer dans une conscience universelle de où il a la capacité finalement de renverser la polarité du vrai et du faux. Donc, c'est très important pour l'être humain de réaliser que la souffrance, elle vient avec le package, mais qu'on doit la diminuer le plus possible. C'est beaucoup plus facile pour un être humain normal de s'empêcher de souffrir que d'un initié. C'est difficile pour un initié de ne pas vivre une souffrance parce qu'il est fusionné. Parce qu'ils te font passer des petits trous. Mais pourquoi vous dites que c'est plus facile pour un homme ordinaire de passer? C'est plus facile parce qu'il y a des buffers, il y a des conditions, il y a des jeux, il y a des mécanismes. Un homme normal peut aller au vu, il peut aller jouer au hockey, il peut se distraire, il peut se faire une blonde, il peut faire toutes sortes de choses, il peut se plonger dans son travail, il peut se distraire. L'homme inconscient peut se distraire dans la vie. Donc, c'est bon. Donc, la souffrance est moins proche de lui, tandis qu'un initié ne peut pas faire ça. Un initié ne peut pas aller au hockey, un initié ne peut pas se créer de buffer contre la fusion. Mm-hmm. C'est ça qui fait de lui un initié. Donc, il ne peut pas passer à côté de la souffrance. Il va comprendre plus vite que l'homme, d'ailleurs, c'est sa job, pour l'expliquer ensuite. Il va comprendre tous les aspects. C'est justement parce qu'il n'est pas donné de quartier. Tandis que l'homme, lui, a du temps. Il y a de la, les hommes, moi, je sais que l'homme normal, dans la vie, souffre beaucoup de choses à cause de lui-même. À cause de lui-même. Il souffre pas à cause de la fusion. C'est pas le double là, qui est fusionné avec, là, puis qui le fait passer dans des petits trous. Là. C'est son ego, sa personnalité. C'est ça qui le fait souffrir. Fait qu'à ce moment-là, l'homme a une chance, l'homme de l'évolution, qui pense à l'évolution, il a une chance de souffrir moins pour rien. Tandis que l'initié, lui, il est obligé de souffrir tout. Pour tout. Bon, est-ce qu'on peut identifier deux types de souffrance à ce moment-là? Une souffrance qui est liée à l'ego et une souffrance qui est liée à une transition. Il y a deux types de souffrance. Une souffrance universelle, une souffrance cosmique, une souffrance initiatique. Puis une souffrance qui fait partie de l'inconscience de l'âme, puis qui fait partie du développement de la conscience de l'homme par rapport à son énergie, à son être, à sa conscience universelle. Mais dans un cas, c'est particulier, puis dans un autre cas, c'est universel à l'humanité. Les âmes souffrent, mais il y a un haut degré de souffrance chez l'être humain qui est causé parce que peut-être qu'il n'écoute pas son chum, peut-être qu'il n'écoute pas sa femme, peut-être qu'il n'écoute pas son boss. On n'écoute pas le monde autour de nous autres, on a des têtes de cochon. Le monde nous dit, parce que le monde nous voit plus qu'on se voit nous autres, puis il dit, ah, fais attention à ça, fais attention à ça, fais attention à ça. On n'écoute pas les gens qui peuvent nous donner des conseils. Mm-hmm. Fait qu'on souffre pour rien, on n'écoute pas nos parents quand ils sont intelligents, on souffre pour rien. Il y a les gens qui écoutent puis que ça les met dans une situation de souffrance aussi. Si tu écoutes des gens qui sont intelligents, mais ça te sert, fait que ça a moins d'expérience à être obligé de vivre. Fait que c'est ça le problème, fait qu'automatiquement, mais c'est pour ça que je dis, l'homme souffre beaucoup pour rien. Il y a beaucoup de souffrances chez l'être humain qui ne sont pas nécessaires. On dit, Un être humain devrait travailler. C'est important pour un homme de travailler, de trouver un job. Mm-hmm. Là, il dit, ah, ben, je peux pas trouver de job. Ils ont fermé les portes de la compagnie, là, puis je m'en vais sur le bien-être social, là. Il y a qu'une compagnie de tabac à Saint-Tite, là. Ça fait 20 ans que je travaille pour eux autres, là, puis je suis un spécialiste du tabac. Puis, là, il n'y a plus de job pour moi. C'est pas vrai! Là, il va crever de faim, il nourrira pas sa famille, sa femme va le quitter à la porte, les enfants vont se retourner de bord. Un jour, il va être stationné en France sauvage pendant 2-3 ans, puis un jour, là, il va tellement être dans la souffrance qu'un jour, il va dire, ah, mais faut que j'aille travailler. Pourquoi c'est pas aller quand t'as lâché ta crise de job? Au lieu de te faire nourrir, au lieu de te faire supporter par le gouvernement, trouver un autre job en attendant, peut-être que les compagnies de tabac vont s'en ouvrir un autre ailleurs d'un autre temps en attendant, mais va vendre de la crème glacée. Au moins, tu vas pouvoir payer ton loyer. Ah, ça y a pris 3 ans pour comprendre ça. Souvent, la personne va dire c'est parce qu'elle ne voulait pas souffrir. Elle ne voulait pas quoi? Elle ne voulait pas souffrir. Elle s'est née en souffrance. Oui, mais il y a des gens qui nous, quand on leur parle comme ça, là, qui nous disent, ah oh non, je ne veux pas souffrir d'un boss, je ne veux pas souffrir de faire un changement ci ou... Les gens ne veulent pas faire le mouvement parce qu'ils ne veulent pas souffrir. Ils souffrent ailleurs. Oui. Mais là, est-ce que dans le développement d'un individu, il y a des souffrances inévitables qu'on n'a pas le choix de vivre? Ah, ça, c'est intéressant. Comprenez-vous ce que je veux dire? Dans le développement de l'individu, il y a des souffrances clés. Ça, j'appelle ça des souffrances initiatiques. Autrement dit, dans le développement de l'individu, il y a quatre choses, quelque part, au cours de ta vie, qu'il faut que tu passes à travers, parce que c'est ça qui va te donner un taux vibratoire universel. Sans ça, tu n'as pas ce taux vibratoire. Non. Autrement dit, tu es un être humain normal. Il y a un taux vibratoire que cette souffrance-là, tu vas avoir les forces pour passer à travers, ça va t'être donné dans le temps, tu vas passer à travers. Mais ça, c'est la souffrance initiatique, ça. Tandis que l'homme, il n'y a pas, c'est pas de la souffrance initiatique, il n'a même pas de souffrance initiatique. Il y a la souffrance psychologique de l'homme incarné d'un corps physique, là, avec un ego totalement croche. Un ego, là, avec toutes sortes de facettes personnalisées, là, qu'on appelle la personnalité. Qui crée de la souffrance pour rien. Faut que tu travailles, faut qu'un gars travaille. S'il est marié, faut qu'il travaille encore plus. Une femme, faut qu'elle soit heureuse dans la vie avec son mari. Elle n'est pas heureuse. Mais pourquoi tu te restes avec? Je l'aime. Mais tu dis que tu n'es pas heureuse. Il te bat. Tu ne fais rien, je l'aime. Il me fait bien l'amour. Fait que tu te restes avec parce qu'il te fait bien l'amour? Il y est fait de temps en temps. Mais tu as des yeux bleus. Ouais, mais ça se passe. Ça, c'est ça. Un jour, elle va se réveiller. Un jour, il va y casser la mâchoire. Elle va avoir l'air d'un pterodactyle. Elle va être obligée de s'en trouver un autre gars. Tu sais, mais elle va attendre. Elle va attendre d'être poussée au mur, là. Bon. Après, autrement dit, l'homme puis la femme ont un karma. Puis il sera capable de... Ah, ça, c'est intéressant. Ouais. L'être humain a un karma, l'homme et la femme ont un karma, puis il sera capable de l'alléger rapidement, ajuster rapidement, s'il était intelligent. Autrement dit, quand je dis intelligent, là, je ne veux pas dire intelligent par eux-mêmes nécessairement là, dans une conscience. Mais écoute, ta belle-mère, ton beau-père, ton boss, tes chums, papapapa, le monde, tes amis, hein, qui te voient plus que toi et d'autres. Mais on n'écoute pas le monde autour de nous autres. On reste dans nos situations, puis un jour, il y a un éclatement, puis un éclatement, puis on passe notre vie à vivre des éclatements. Mais Bernard, c'est quoi la mécanique qui permet à un individu d'avoir plus raison que la raison d'un autre? Puis de souffrir de sa raison, même si l'autre qui a une autre raison semble pouvoir l'alléger. Ouais, OK. C'est parce qu'on a des têtes de cochon. Puis on a des têtes de cochon parce qu'on a de l'orgueil. Puis on est orgueilleux parce qu'on ne veut pas donner de crédit à l'intelligence d'un autre. Puis on ne veut pas donner de crédit à l'intelligence d'un autre parce qu'on n'a pas été mis en vibration par la souffrance. C'est quand tu es mis en vibration par la souffrance que là, finalement, tu lâches et tu commences à dire « Ouais, c'est vrai, il a peut-être raison, le gars. » Parce que la souffrance, ça met les corps en vibration. Là, c'est pas pire, ça se toffe. Donc, on donne un crédit à quelqu'un après avoir vécu l'impuissance personnelle. Ouais, c'est ça. Mais tant qu'on a l'impression d'avoir une puissance personnelle, on n'est pas disposé à... Non, parce qu'on on se donne toujours de l'espace. On se dit toujours, ça va s'arranger. La situation va s'arranger. Ça ne s'arrange pas, une situation. Ça se dérange constamment, ça se dérègle constamment. Éventuellement, ça crée une crise. C'est pour ça que j'adore ça, des crises. C'est merveilleux, des crises. Il n'y a rien comme une crise pour nous replacer le cul. Fermez les crises. Une crise, ça va par là ou ça va par là. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'une crise, c'est une situation où tu es confronté en deux inévitabilités. Tu descends ou tu montes. Ouais. Merveilleux, des crises. Heureusement qu'il y a des crises. Mais quand un individu est confronté à devoir se rendre jusqu'à la limite de sa raison, là, et puis qu'on l'avertit tout bas de côté de cette situation-là, où est-ce qu'il peut trouver l'énergie de nourrir l'imbécilité? OK. Il trouve l'énergie de nourrir l'imbécilité parce qu'il n'est pas devenu suffisamment vibratoirement intelligent. C'est bien important, votre question. Bien important. Quand on est inconscient, c'est comme si on a une certaine résistance à l'ordre. Mmh. Oubliez pas une chose, hein, que moi, quand je parle de l'ordre, je parle de l'ordre que l'homme crée à partir de son intelligence et de sa volonté. Mmh. Je parle pas de l'ordre là parce que ta vie est en ordre, parce que ta mère t'a laissé à sa mort 100 000 $, puis ta maison est payée, puis ta job est pas mal assurée parce que t'es dans les unions. C'est pas ça de l'ordre. De l'ordre, c'est une condition de vie que toi, tu imposes à la vie à partir de ton intelligence créatrice puis ta volonté. Ça, c'est... Il n'y a rien à faire avec les gens qui sont capables de créer cet ordre-là. Ils deviennent des panthères. Bon. L'homme n'est pas dans cet ordre-là. Il y arrivera. Puis la raison qu'il ne l'est pas, c'est parce qu'il n'a pas été mis en vibration par la souffrance. Mm-hmm. Il y a bien du monde qui souffre, il y a du monde qui se font couper les bras. Ils perdent du monde, ils perdent des amis, des accidents, la maladie. L'homme souffre, la terre, c'est de la souffrance. Il n'y a pas plus de conscience à la planète. Mais ils sont pas mis en vibration. Parce que la souffrance, il ne les met pas en vibration. Puis sais-tu quand est-ce que la souffrance, elle te met en vibration? La souffrance, elle te met en vibration quand tu commences à savoir comment est-ce que ça marche, la vie. Ah ben là, tabarnak, c'est un autre pain d'avance. Parce que quand tu es mis en vibration par la souffrance, puis tu sais que en arrière du plan matériel, au-delà de l'espace-temps matériel, au-delà de ta conscience matérielle, tu as probablement des entités astrales qui te manipulent, ou tu as probablement des forces qui font partie d'autres plans, qui taponnent avec ta tête, puis qui manipulent ta conscience mentale, puis qui t'empêchent de penser clairement, puis qui t'enlèvent ta lumière. Oh là, tu commences à avoir le faux cul. Puis quand tu commences à apprendre ce faux cul-là, là, que moi je l'ai glorieusement, ce faux cul-là, laisse-moi dire, mon cher, que dans la vie, aussitôt qu'il arrive quelque chose pour créer un désordre, tu as la volonté, l'intelligence pour le neutraliser. Pourquoi? Parce que ta souffrance t'a mis en vibration. Puis ça, c'est très important de comprendre ça, parce que tant que l'homme n'aura pas été mis en vibration dans sa souffrance, que l'homme vivra simplement de la souffrance, là, mm-hmm. ça veut dire que l'homme n'aura pas conscience occulte de l'origine de sa conscience. Puis tant que tu n'as pas conscience occulte de l'origine de ta conscience, tu n'as pas d'idée qu'est-ce que c'est la vie. C'est comme si tu te promenais avec un sac sur la tête, que tu sois riche, que tu sois pauvre, n'importe quand, quelqu'un peut te rentrer dedans. Tandis que quand tu commences à comprendre comment est-ce que ça marche la vie, ce que l'homme existentiel, rationnel, a jamais voulu accepter parce que c'est too much, là, à ce moment-là, là, ta souffrance te met en vibration. Elle est mise en vibration. Puis ça, c'est le meilleur coup de pied que tu peux avoir reçu de ta source. Ça, c'est le coup de pied dans le cul ultime. Puis quand tu l'as eu, ce coup de pied dans le cul ultime-là, après ça, il y a quelque chose qui compte dans la vie, l'ordre. Vous autres, c'est pas l'ordre qui compte. C'est de faire bien de l'argent, vous trouver une poupoune en fin de semaine, aller jouer au hockey, boire une caisse de bière, aller voir un bon film, vous assurer que vos enfants vont à l'école, qu'ils ont des bonnes notes. Ça, c'est la condition humaine. Ça, c'est ce qui vous intéresse en tant qu'être humain civilisé. Tandis que l'ordre, que l'homme conscient, une fois que sa souffrance aurait été mise en vibration, ou autrement dit, une fois qu'il aurait été mis en vibration par sa souffrance, l'homme conscient, il n'y a qu'une chose qui l'intéressera dans la vie, c'est l'ordre. Parce que je vais te dire une chose, quand tu as de l'ordre dans ta vie, là, qui n'existe pas sur la Terre aujourd'hui, là, quand tu as cet ordre-là, qui est totalement individualisé, tu as ton ordre à toi, là, à ce moment-là, la vie est sous ton contrôle. Puis à ce moment-là, la vie est vécue comme tu veux. Puis à ce moment-là, il n'y a rien dans la vie qui est important en soi. La seule chose qui est importante, c'est la crise de paix. C'est pour ça que je faisais ma joke avant, je disais, papa du Christ, la crise de paix. Puis il y a une crise de différence entre les deux. Voilà ce que je veux dire. Mais Bernard, la mise en vibration dont vous parlez, ça revient encore au fait d'être informé de l'invisible. Ben oui, ça fait partie de ça, mais ça fait partie de l'évolution, ça. Tu sais, tu peux pas. Ça vous doit être. Ça me fait penser au fait qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, mais que ça ne leur apporte rien. Ah, il y a beaucoup. Tout le monde souffre. Tout le monde souffre. Ça ne leur apporte rien. Ça rapporte à l'astral, la souffrance. Il y a des belles archives d'autre bord, puis quand tu meurs, tu arrives d'autre bord, tu gardes tes archives, tu es super. Puis là, ils construisent un corps mental, puis un nouveau corps astral de ta prochaine évolution. Mais quand on parle de l'évolution, quand on parle de la descente de la lumière sur tous les plans de l'homme, quand on parle de l'intégration de la conscience, quand on parle du retour de l'homme à sa source, on parle de la reprise du contrôle humain, du mortel, sur sa vie. Pour que sa vie cesse d'être expérimentale, pour que sa vie cesse d'être ancienne, pour que l'homme arrête d'être toujours en deux poteaux, le niaiseux puis le temporellement intelligent. Mm-hmm. Puis tu peux pas vivre toute ta vie dans la merde puis avoir l'épée de Damoclès des événements sur ta tête. Montre-toi pas pourquoi est-ce que les hommes dans le job ils ont des crises cardiaques à 45 ans puis les femmes finissent tout seules à 60 ans tout seules en pleurs puis en solitude. Mais parce que l'homme il va être obligé l'homme conscient je parle, l'homme va être obligé de comprendre que quand la souffrance est mise en vibration, c'est parce que tu commences à comprendre comment est-ce que ça marche derrière le tableau, derrière le smoke screen de ton intellect, de ton ego. Puis c'est là que l'homme va commencer à mettre de l'ordre dans sa vie. Quand je parle de l'homme génériquement. Puis c'est à ce moment-là que l'homme va commencer à être bien dans sa peau. Sans ça, tu vas, de temps en temps, t'es heureux, puis après ça, t'es pas heureux, puis après ça, t'es heureux, puis après ça, t'es pas heureux, puis t'es heureux, puis t'es pas heureux. Christ, on n'est pas des bateaux. Vois-tu? Mais on s'est fait construire des crises de bateaux. Mm-hmm. Vois-tu, hein? Puis on s'est fait construire des bateaux depuis des siècles. Puis tout le monde, les sages, les universitaires, les intellectuels, les théologiens, tout le monde nous a construit des bateaux. Là, on vit une période de transition là où on a plein de cul des intellectuels, puis on a plein de cul des théologiens, puis on a plein de cul des âges, là, mais on n'est pas arrivé à pouvoir faire la traversée de l'autre bord, là. C'est ça, là, tout l'émoi dans la société, là. Avant, tu avais des guidelines pour vivre, tu sais. On disait, bon, ben, tu vis ta vie pour le meilleur ou pour le pire. Tu sais. Le spécial, là, pour un homme intelligent, de vivre ta vie pour le meilleur, pour le pire. Tu vis ta vie pour le meilleur, point final. Fuck le pire. Vois-tu? Mais ça prend de la volonté, puis ça prend de l'intelligence. Autrement dit, ça prend une diminution de tous les sentiments d'émotion qu'on a dans le mental. Ça prend une diminution de tout le pouvoir astral de l'âme sur notre ego. Ça prend une diminution du pouvoir mémoriel de l'individu par rapport à la mémoire de la race. Ça demande une transmutation totale de l'âme. C'est la transfiguration psychique de son moi. C'est ça l'évolution. Puis après ça, ben, tout ce qui compte, c'est l'ordre. Un ordre que toi, tu te crées. Qui est totalement en harmonie avec la société, parce que c'est un ordre créatif, donc c'est pas un ordre anarchique. Puis à ce moment-là, ben, tu fais ton bout de chemin, tu fais ce que t'en fais. C'est ça le but puis la conséquence de cette évolution-là. C'est pas l'affaire d'être conscient, de dire, ben, moi, je suis conscient, point. Quel degré t'es rendu, Jean-Paul? Puis t'es allé au séminaire de Ballard à Montréal? Ah ben, t'es pas conscient si t'es pas allé au séminaire de Ballard à Montréal. Je connais du monde qui sont jamais allés au séminaire, ils sont plus conscients, chose que les gens qui sont allés au séminaire. Fait que... Alors, mm. Et là, il y a bien du monde qui parle, il y a du monde intelligent qui parle. Bon, c'est là, ça commence là. Fait que... Ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, vous êtes en contact avec votre matériel? Non! La seule raison que les gens sont en contact avec le matériel, c'est parce qu'il faut que je le défende, moi. Ah, ça fait partie de mon travail. Mais l'homme, dans il y a du monde dans la vie qui ont une sensibilité. Ouais. Il y a du monde dans la vie qui ont une sensibilité et ils ont une certaine intelligence. C'est évident que avec plus il avance dans, là-dedans, éventuellement, il rentre dans des courants beaucoup plus vortexés, c'est loin. Mais l'homme a une vibration. Si l'homme est capable d'abord de respecter ce qu'il sait, là, puis avancer avec ça, puis s'il peut renflouer avec d'autres choses que d'autres mondes peuvent dire dans le monde, tant mieux. Mais l'évolution, ça commence chez l'homme individuellement, ça va se faire chez l'homme individuellement, mais ça part du bout de ma langue. Parce que j'ai pas besoin d'être sur le plan matériel pour faire mon travail. Je peux le faire avec ces autres plans, mon travail. Mm-hmm. Il y a des archives qui peuvent être libérées, ces autres plans, qui éventuellement, au niveau vibratoire, vont faire partie de la conscience de l'homme. Ça fait partie des lois occultes de l'invisible. Sur le plan matériel, il y a des hommes sur la Terre aujourd'hui qui ont une belle conscience. Donc, le phénomène évolutif dont on parle souvent, qui est lié au supramental, c'est finalement accessible à la planète. Ça fait partie de la conscience évolutive de la planète. C'est pas nécessairement dans des rapports, disons, audiovisuels. Non. Non. Moi, je connais des gens qui sont venus en contact avec l'audiovisuel de ma parole, puis c'est des vrais cons. Mm. Ils ont totalement astralisé ce que j'ai dit. Je veux plus rien savoir des autres. Mm-hmm. Il y a des gens qui sont pas venus en contact même avec ces idées-là, mais de par leur propre sensibilité, de par leur propre connexion avec leur propre plan. Je pense à Jean Hab à Paris, que j'ai jamais rencontré, qui ont lancé ces vibrations-là. Fait que, il y a du monde dans le monde, dans différents pays du monde, qui ont une belle sensibilité. Au Québec, c'est évident que ça se fixe au Québec parce que ça fait partie de la destinée de la province que cette science-là soit descendue ici. T'as pas besoin de connaître dans le nord de Montréal pour évoluer. Il y a du monde dans le monde qui évolue. C'est évident que la science au Québec, c'est la fer de lance de cette conscience-là qui avait été promise par Aurobindo. Puis, mais ces gens-là qui viennent en contact avec cette science-là, ils voient tout de suite. Mm-hmm. Quand j'ai abonné mon livre, j'ai totalement compris ce que je disais. C'était normal. Donc, il déjà était dans sa conscience, c'est vous le dire. Donc, il y a du monde dans le monde intéressant. Bon, vous parlez d'une personne comme ça. Elle avait pris contact avec quoi, elle, personnellement? Son évolution à cette personne-là dont vous parlez, elle avait commencé où? Son évolution a commencé sur d'autres plans avant l'incarnation. C'est un être évolué. Donc, il y a des êtres sur la planète qui ont des âmes très évoluées. Il y a des êtres sur la planète qui ont des âmes dont le statut universel est très avancé. Donc, c'est très, très facile pour ces êtres-là de venir en contact avec une autre vibration. Pardon. Puis accélérer le processus de développement. Donc, c'est déjà prédestiné, le processus de programmation. Ouais. Donc, les gens ici, sur le plan matériel, dans cette époque de vie-là, vont simplement actualiser quelque chose. Ils actualisent ce dont ils ont le potentiel de faire. Qui était déjà marqué à l'instant. Qui était déjà marqué à l'instant. Mais le point que je veux faire, c'est qu'il y a des hommes dans cette vie-ci qui parlent. Qui vont arriver à une conscience intégrale. Mm-hmm. Puis ils n'en arriveront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont trop d'illusions astrales. Ils sont trop astralisés. Puis il y a des gens dans cette vie-ci qui n'ont même pas conscience d'en arriver à une conscience intégrale. Puis qui en arriveront à une conscience intégrale. Mm-hmm. Fait que ça dépend toujours de la disposition de l'ego. Ça dépend de la nature de l'âme. Ça dépend de la vibration de l'âme. La conscience, c'est pas... La conscience, c'est l'état vibratoire de ton esprit qui transperce à travers ton ego. La conscience, c'est pas une maîtrise quelconque, philosophique, d'une science occulte quelconque. C'est pour ça la conscience. Mm-hmm. Ça se reconnaît à quoi une âme évoluée? Une âme évoluée? Y a-t-il des paramètres? Bon, il y en a. Puis le plus grand, là, d'après mon expérience, le plus grand, c'est l'absence d'orgueil. Mm-hmm. L'absence d'orgueil, là, c'est tellement extraordinaire chez un être qui a un certain niveau d'évolution, là. Puis je parle pas d'orgueil intellectuel, là. Je parle de l'orgueil spirituel, l'orgueil occulte. Mm-hmm. Cette absence d'orgueil-là, pour moi, c'est la plus grande marque d'évolution possible de l'âme. Non. Parce que les hommes vont craquer devant leur propre lumière avec l'orgueil. Tu peux pas venir en contact avec le double puis vivre des miroitements astraux d'orgueil. Tu peux pas. Parce que déjà, il y a un blocage. Parce que n'oubliez pas une chose, hein, que l'orgueil, ça fait partie de la définition astrale de l'intelligence universelle. L'orgueil, c'est ce qui a fait marcher le monde évolutif. L'orgueil, c'est le ciment qui a permis à la civilisation de progresser. L'orgueil, c'est l'incantation des morts à travers l'ego de l'homme. L'orgueil, c'est le fil conducteur entre les forces luciférienne et l'humanité à travers le monde astral de la mort. Fait que, quand on parle des fils de la lumière, on ne parle pas des fils de Bélial. Quand on parle des fils de la lumière, on parle des hommes qui éventuellement pourront travailler avec des forces éthériques universellement conversantes en intelligence. On parle d'êtres qui n'auront plus d'orgueil. Ça va être brûlé par l'initiation solaire, l'orgueil. L'initiation astrale maintient l'orgueil. L'initiation astrale des âges évolutifs, les Grecs, les Romains, le mystère, les chrétiens, l'initiation astrale de l'évolution ont cultivé l'orgueil parce que ça l'a permis à l'humanité de continuer à avoir l'impression d'avancer. Alors que dans l'initiation solaire de l'évolution, la formation psychique de la race, de la sixième et de la septième race racine, l'orgueil va totalement être éliminé de la conscience de l'ego, parce que l'homme ne peut pas rentrer consciemment sur le plan éthérique avec cette vibration-là dans le mental. Alors que l'homme peut facilement rentrer dans le plan astral avec l'orgueil dans le mental. Regarde les gars qui font de la magie noire, regarde les gars qui font des voyages astraux, regarde les gars qui ont des écoles là, où ils t'enseignent comment faire des voyages astraux. Rencontrez ces gens-là, femmes ou hommes, puis ce sont tous des êtres qui sont spirituellement orgueilleux. Mm-hmm. C'est quoi la mécanique de l'orgueil? L'orgueil, c'est la contestation psychique de l'ego vis-à-vis de la potentialité vibratoire de son âme pour la compréhension personnelle des mystères. Un homme qui est moindrement orgueilleux dans l'écoute occulte de sa conscience a l'impression d'être important psychiquement, mm-hmm, occultement, spirituellement, religieusement, théologiquement, ainsi de suite. Puis c'est facile à tester ces gens-là. Mm. Tant qu'à leur dire, là, franchement, devant eux autres, quand ils rencontrent, là, mange-donc de la merde. Puis tu vas voir ce qui se produit. Tu leur dis, mange-donc de la merde. Tu le vois, l'ego qui vibre. Parce que tu peux pas arriver un maître aux Indes comme mon chum est allé voir dernièrement, là, qui est assis sur son 36, là. Puis il dit, mange donc de la merde. S'il bouge pas le gars, pis si t'avouais pas la vibration d'orgueil, automatiquement, tu fais de lui un allié, il sort de son ashram, pis s'en vient direct. Mm-hmm. Parce que là, il va savoir ce qui se passe. Fait que c'est facile de tester l'orgueil d'une personne. Fait que quand t'es dans toutes les atmosphères, tout ça, comme l'ésotérisme, puis l'occultisme, puis tout ça, là, je sais pas qu'il y a bien du monde qui... Il y a bien des ésotéristes puis des occultistes qui sont pas trop contents de moi, parce que... quand je dis que l'ésotérisme puis l'occultisme, je vais le mettre à terre, puis je vais le mettre à terre. Ça commence à prendre 10 ans, 15 ans. Mais j'ai fini de dire ce que j'ai à dire, moi, il y aurait plus de place pour l'autre. Fait que l'ésotérisme puis l'occultisme... Mais quand je dis que je vais le mettre à terre, je veux pas dire que l'ésotérisme puis l'occultisme, c'est pas réel. Je veux dire que je vais mettre à terre les aspects astraux de la pensée ésotérique puis occulte. Ça, c'est définitif. Attendez que mes livres sortent, là. Ça va être que je prends un cadeau. Je suis un train. Parce que j'en ai plein le cul des guides spirituels, puis des maîtres spirituels, puis des gourous, puis des gouzous, puis des guérisseurs, puis des metteurs de main, puis des poignards de cul. J'en ai... Parce que le problème, moi je suis un homme averti, fait que des problèmes j'en ai pas. Mais le problème, c'est que dans notre société, on a du monde, des gens spirituels, du bon monde, qui veulent avancer, puis qui font une recherche, normal. Mais qui sont trop naïfs encore. Ils n'ont pas été brûlés. Ils sont trop naïfs. Puis la première chose que tu sais, c'est qu'ils se font brûler ici, puis ils se font brûler là, puis ils se font brûler là. Il faut que ça arrête un jour que du monde se fasse brûler par des gens qui sont supposément à la pointe de la connaissance. Fait que la pointe, je vais accrocher. Ça, c'est inévitable. Mon prochain livre que j'écris, là, je n'ai tellement dit que je vais écrire, mais le prochain que je vais écrire, là, je pense que ça va être sur les entités astrales de la mort. Je vais expliquer ça, là, les entités astrales de la mort. Je vais faire un livre, pas trop de temps, pas fatigué. Et ensuite, je vais en faire un autre sur la mort, m'expliquer qu'est-ce que c'est la mort. J'ai hâte de finir avec ces livres-là parce que c'est plate, moi. Mais il faut que j'y fasse un temps. Parce que je suis tanné de voir le monde, du bon monde, là, tu sais. Du monde simple, là, qui se font, au cours des années, là, qui se font embobiner. Puis moi, je peux pas, publiquement, puis je peux pas, c'est pas ma job de dire, bon, ben, tu peux pas aller voir ça, puis tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, c'est pas ma job. Ma job, c'est de donner une instruction, que le monde prenne ça, puis qu'ils regardent, qu'ils prennent la loupe, puis qu'ils regardent de leurs propres yeux. Sans ça, je deviens un autre maître. Fait que moi, je veux rien avoir à faire avec ça, le public. Je parle, là. Mais il y a des gens dans le monde, en Europe, en France, aux États-Unis, et ainsi de suite, qui sont prêts à aller plus loin. Mais quelque part, ils se font vampiriser par l'astral, à travers des individus ésotérico-spirituels, occultes, qui ont des bonnes intentions, mais qui ne connaissent pas les lois occultes du mensonge cosmique de la planète. C'est pour ça que ces choses-là, il faut que ça soit ici. Y a-t-il des gens qui sont humbles, mais qui, à cause du fait qu'ils se donnent une mission, vivent de l'orgueil? Ben oui, c'est pas parce que t'es humble, c'est pas parce que, d'ailleurs, l'humilité, c'est l'envers de l'orgueil spirituel. Tu sais, va dans la vie, là, va dans un bon monastère, là, va dans un bon monastère, là, où des gars mangent du pain de la salade, un petit peu d'eau de temps en temps, là. Tu vas avoir d'humilité, là. Puis mets-les sur le spot, tu vas avoir l'orgueil sorti tout de suite. C'est quoi la mécanique exacte? La mécanique est passée sur le principe qu'ils ont l'impression que c'est eux autres qui ont les clés de la théologie ou les clés de la religion ou les clés du mysticisme. Ou c'est eux autres qui. C'est un qu'eux autres qui peuvent parler de Dieu. Mm-hmm. J'ai rencontré Dieu dans ma cellule. Tu as rencontré Dieu dans ta cellule. Faudrait pas que tu dises que toi, tu l'as rencontré sur la rue Sainte-Catherine. Parce que là, ils contesteraient si tu peux pas rencontrer Dieu sur la rue Sainte-Catherine. Moi, je l'ai rencontré dans ma cellule. Moi, j'ai eu une expérience, puis je vais vous le dire avant de partir, parce que, d'ailleurs, je devrais pas dire ça, mais, je devrais pas dire ça. Non, je le dirai pas, oui. Parce que je veux pas dire ça. Mais, non. Non, je peux pas faire ça parce que faut que je respecte les conditions évolutives de certaines choses. Mais je peux vous dire une chose. Tu sais à quoi je fais référence quand tu es allé en France, tu es allé à telle place en France, tu t'es rencontré, hein? Ça je veux dire, ça je veux pas parler. Mais ce que je veux dire, c'est que l'orgueil se cache derrière l'humilité. C'est lourd un secret. Non, je ne peux pas parler de ça. Je me sens écrasé par le secret. Ça se parle en privé. Mais ma femme a convaincu. C'est un saint homme, hein? Il était placé. Si vous saviez qui c'est qui l'a placé là, dans ce rôle-là. En tout cas. On va changer de choses. Ce que je veux dire, pour revenir au sérieux, là, reste tranquille. Ce que je veux dire, c'est que l'orgueil se cache derrière l'humilité. Puis à part de ça, si. On change notre sujet, là. Non, mais Bernard, on parle de briser la mémoire de l'âme, puis là, on a dit que c'était la souffrance, puis que la majeure partie de la souffrance était finalement originaire d'un facteur d'orgueil. moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est la mécanique qui fait qu'un individu devient orgueilleux. C'est qu'est-ce qui fait que l'individu en devient orgueilleux? C'est-tu l'astral qui te place dans des événements ou dans des situations pour te rendre orgueilleux? C'est un excès de pouvoir que tu n'es pas capable de contenir? C'est parce que l'astral te donne l'impression d'avoir accédé à la sagesse. Mm-hmm. Puis la sagesse, c'est la vieillesse de l'esprit. Un esprit qui est vieux. J'essaie de donner, de mettre ça en forme. Un esprit entité. Bon, tu parles d'un corps qui est décrépit, vieux, là. Ouais, ouais. La sagesse, c'est la vieillesse de l'esprit. Mm-hmm. L'intelligence, dans le sens créatif, morontien du terme, c'est la jeunesse de l'esprit. Mm-hmm. L'homme comprendra que la sagesse, c'est le plus haut niveau d'évolution de la conscience mystique astrale de l'évolution. C'est nécessaire pendant l'évolution. C'est grand durant l'évolution. Mais c'est plus assez pour l'évolution. Mm-hmm. Tu peux plus te peser par la sagesse mystique des temps ou des arts que les mystères existent. Mm-hmm. Mais ça se reconnaît, un sage. Ça nous fait un moral, en général. Un sage, sais-tu comment ça se reconnaît? Un sage, ça se reconnaît en essayant toujours de dédoubler ton ego. Dédoubler? Par des paroles convaincantes. Ça, c'est comme mon chum qui arrive des Indes, là, puis c'est pas le moindre. C'est un grand ami de Jean-Paul Sartre, un brillant, le gars, qui s'en va aux Indes, là, puis qui se fait dire par... un gars dans la chambre, puis je vous dirai pas lequel, parce que vous allez le reconnaître, qui se fait dire « Is it clear? » Tu vas dépenser 4000 piastres, faire 4000 piastres de voyage pour arriver devant un gars qui est assis sur son cul, dans un ashram, puis qui va dire « Is it clear? » Puis j'ai dit « T'es pas assez, t'as pas été assez intelligent pour lui dire « Qu'est-ce que tu veux dire? » par le « it ». C'est quoi le « it » J'ai dit, moi, m'a te dit qu'est-ce que c'est le « it ». J'étais à la table avec lui, je te dis, Chris, qu'il n'a pas mangé bien gros ce soir-là. Fait que j'ai dit, mec, je t'écrive des lettres, des petites cartes quand je vais en voyage, m'a signé « is it clear ». Tu vas savoir qui c'est qui t'écrit. Maudit niaiseux. Mais, il y avait des larmes aux yeux. J'ai dit, t'as des larmes aux yeux, parce que je te parle de même, pis t'étais pas capable, toi, de faire mettre la rage au cul par des paroles intelligentes, pis te faire dire, hésite, clear, pis ensuite envoyer un petit bouquet de fleurs, pis te faire arroser avec un gun pis de l'eau de rose. J'ai dit, je viens plus ici pour parler avec toi, là. La prochaine fois que je viens ici, tu prouves vos échecs, seulement, socialement. Fait que, pis c'est pas le moindre, hein, ce gars-là. Fait que, autrement dit, ce que je veux dire, c'est qu'on est bien sans dessein. On est bien naïf. Puis on a été obsédé par la sagesse primordiale. Puis je vais la mettre à terre. D'ailleurs, j'ai pas de choix, je suis obligé. De sorte que, quand je partirai du site, puis que j'aurai tout dit ce que j'ai à dire, puis que j'aurai tout écrit ce que j'ai écrit, il n'y aura plus rien qu'on aura besoin de savoir. Après ça, ce sera une autre évolution d'un autre temps. On va en avoir assez. La sagesse primordiale, là, puis la sagesse de ci, puis la sagesse de ça, là. Je l'ai loin. Je suis fatigué, ça. Parce que ça a été pendant des siècles une toile d'araignée nécessaire. On s'est tout fait prendre là-dedans. Mais là, on passe à une nouvelle évolution, puis c'est fini, c'est plus assez. C'est assez pour l'homme inconscient qui va continuer à s'abreuver de la sagesse parce que c'est bon pour lui. Mais ça sera plus suffisant pour l'homme conscient. Parce que l'homme conscient va vouloir savoir qu'est-ce que c'est une âme, qu'est-ce que c'est un esprit, c'est quoi de la pensée. Il va vouloir avoir la science de l'invisible. Pour pouvoir ensuite aller visiter ces mondes-là. Comment est-ce que ça marche, la mort? Il faut que tu les rencontres. Il faut que tu ailles sur un plan. Tu placotes avec eux autres. Tu vas sur le plan intellect, ça même, Charles. Il va falloir que l'homme se déplace. Le véhicule matériel, physique, plus assez pour avoir une notion scientifique, ordonnée, intelligente de l'univers matériel et immatériel. On y est rendu là. C'est pour ça que quand Jean 23 disait « Les fils de la lumière souffriront des grandes souffrances », il avait entièrement raison. Ils souffriront des grandes souffrances. Puis ce ne sera pas des souffrances évolutives. Ce ne sera pas des souffrances niaiseuses de l'évolution. Ça va être la mise en vibration de la conscience de l'homme. Et l'homme sera mis en vibration. Les êtres qui iront loin dans leur conscience, qui retourneront à leur source, seront mis en vibration par leur propre feu cosmique. Parce que ça, c'est évident que la sainteté, là, puis la spiritualité, puis l'ésotérisme, puis l'occultisme prélaté, puis la sagesse des arts, ça ne sera plus assez pour l'homme. Parce que l'homme est rendu, son mental est développé. L'homme est capable de développer une science matérielle très avancée, donc son mental est développé. Puis l'homme, tu peux plus parler en parabole. C'est quoi ça, un ange? C'est quoi une entité? C'est quoi ça, un archange? Ben, vous dites, il y a des anges, des archanges. C'est quoi? Ça mange quoi, l'univers? C'est quoi Dieu? C'est quoi des alèves? C'est quoi l'infinité? Ben, vous dites, l'infini. C'est quoi? C'est quoi la lumière? Autrement dit, il va falloir que l'homme en arrive, au cours de l'évolution, à pouvoir poser des questions fondamentales par rapport à l'invisible, comme maintenant il pose des questions fondamentales par rapport à la matérialité. C'est ça qui a donné la science, c'est ça qui nous a sorti du Moyen-Âge, c'est ça qui sortira l'homme de son Moyen-Âge psychologique. Maintenant, la sagesse a été soutenue par la croyance. La nouvelle science va être soutenue par quoi? La nouvelle science sera soutenue, ça c'est intéressant. La nouvelle science va être soutenue par la fusion du mortel et de l'ajusteur de pensée. La fusion du mortel et de l'ajusteur de pensée, c'est ça qui va soutenir la nouvelle science, pas d'autre chose. Autrement dit, l'homme conscient, l'homme nouveau, l'homme de demain sera un pilier de lumière par lui-même, simplement par lui-même. Fait que sa fusion avec l'ajusteur de pensée sera un pilier de connaissance. Fait qu'un homme qui sera dans cette fusion-là, il aura sa connaissance, la connaissance qui fait partie de sa fusion, qui fait partie du secret de sa fusion, il fera ce qu'il a à faire avec. L'autre homme, il fera ce qu'il a à faire avec. L'autre homme fera ce qu'il a à faire avec. Et tous les hommes seront dans la même vibration, mais ils auront tous des territoires d'action différents. Mais c'est la fusion de l'homme et du mortel qui sera le pilier de la connaissance. La connaissance supramentale ne sera jamais supportée, maintenue en équivalence, en consensus social, par une race, une société quelconque. Ce sera totalement individualisé. D'ailleurs, la conscience supramentale, c'est le partage du pouvoir sur la Terre entre des entités morontialisées. Demain, pour vous le dire, demain. Pourquoi vous êtes des entités? Les entités morontialisées, ça veut dire qu'il y aura des hommes sur la Terre qui auront accès à la conscience éthérique instantanément, qui seront capables d'aller sur le plan éthérique instantanément, qui seront capables de morontialiser leur énergie, c'est-à-dire d'utiliser leur véhicule éthérique pour se déplacer dans le cosmos invisible comme matériel à l'insu de l'humanité évolutive. Ça, c'est l'homme de demain. Fait que c'est un autre ballgame. Quand je dis les séminaires, l'homme s'en va par là, l'homme nouveau s'en va par là dans une direction totalement opposée, puis ça s'est jamais fait pendant l'évolution. Les plus hauts moments de l'évolution où tu as eu des grands initiés qui sont venus sur la Terre, comme le Christ, par exemple, la seule fonction de ces êtres-là, hormis les conséquences de leur présence sur le plan matériel, c'était de permettre qu'à la fin du 20e siècle, les circuits universels soient ouverts entre le mortel et les plans supérieurs. C'est à ça le but, la fonction et la conséquence de l'acte christique de l'infusion sur la Terre. Ça, c'était sa job. Mais c'était trop occulte pour l'homme de l'évolution. Ça l'a servi à développer la grande fondation de la conscience chrétienne pour universaliser l'homme dans une formation psychologique humanitaire et politique pour permettre l'universalité des races, des nations, et ainsi de suite. Ça, c'est au niveau des conséquences. Mais au niveau de l'acte primordial de l'effusion du Christ sur la terre, c'était de permettre éventuellement l'ouverture des circuits universels. Et ce qui a permis une raison, parce qu'il y a des gens qui m'ont, il y a une personne qui m'a demandé une fois, comment ça se fait que le Christ est mort? Pourquoi est-ce que le Christ est mort physiquement? Il aurait bien pu ne pas être mort physiquement. Pourquoi est-ce qu'il est mort physiquement? Parce que le meurtre du Christ a permis le contact entre l'énergie solaire et la conscience des cellules. L'énergie solaire. Qu'est-ce que vous entendez par l'énergie? L'énergie solaire, c'est l'énergie qui fait partie de la communion universelle des Melchisedec qui contrôle l'univers local. Cette énergie-là, quand que lui a vécu le meurtre de son corps matériel, ça l'a mis en vibration la conscience de ses cellules, ça l'a ouvert les circuits universels. C'est pour ça que 2000 ans plus tard, on est capable, nous autres, maintenant, de recommuniquer télépathiquement avec les circuits universels. Fait que la fonction du Christ sur la Terre, ça n'a pas créé la religion catholique. La religion catholique, ça, c'est Pierre, puis Paul, puis la gang qui a fait ça, la gang. Ça veut dire que l'ouverture des circuits universels est intimement liée à la conscience des cellules. L'ouverture des circuits universels, mon cher, c'est intimement lié à la conscience des cellules. C'est comme si tu pluguais bel téléphone à tout directement. Ouais, autrement dit, une fois que ça s'est établi, c'est fait cette connexion-là, l'homme cesse d'être programmé astralement et il est capable par lui-même de reprogrammer la conscience évolutive des humanités futures. D'ailleurs, on va dire une chose, au cours de l'évolution, au cours des âges, puis des générations qui viennent, puis au cours de la sixième, la septième race racine, puis à partir du moment où l'homme va rentrer dans son évolution jupitérienne, l'être humain en fusion sera en droit et en pouvoir de créer des nouvelles races sur la Terre. Quand je parle sur la Terre, je ne parle pas nécessairement sur la Terre matérielle, mais sur le plan éthérique de la Terre et aussi dans l'univers local. Ça sera le résultat de la fusion, c'est-à-dire le résultat de la mise en vibration de la conscience des cellules par cette énergie-là universelle qui fait partie des cycles universels. C'est pour ça que l'homme n'aura plus besoin de penser, parce que penser, c'est trop bas en vibration. Penser, c'est trop linéaire. Penser, c'est trop réflexif. Mais penser, ça fait tellement partie de la personnalité de l'homme. D'ailleurs, c'est pour ça que l'homme aura plus de personnalité, d'ailleurs, dans ce temps-là. Il va être simplement une personne, il va être totalement transparent. Mais en attendant, penser, c'est nécessaire parce que ça a permis à l'homme de développer son corps mental. Si l'homme n'avait pas pensé, s'il n'y avait pas été permis à l'homme de penser, l'homme n'aurait pas pu développer le corps mental inférieur. Puis c'est l'astral qui a permis à l'homme de penser. La pensée est soutenue à partir du mental supérieur. Mais c'est l'astral, dans sa défiguration de l'énergie, puis dans sa transmission erronée de l'information, parce que l'homme n'était pas capable de codifier l'information, de décoder l'information parfaitement, parce que son corps mental n'était pas suffisamment développé, que l'homme a eu des conceptions de la vie, des gouvernements, de la science, comme il y a aujourd'hui. Mais ça lui a permis de développer son corps mental. Donc, dans un sens, les morts sont responsables, ils ont été utiles dans la formation de la personnalité, et demain, l'astral sera totalement impuissant à reformuler son contact avec l'homme, parce que l'homme, demain, sera plus capable de penser dans le sens traditionnel du terme. Quand il vivra une pensée comme on parle, il saura que c'est une communication, puis plus l'homme sera en fusion, plus cette communication-là sera basée sur la relation de l'ego avec le tu, puis de moins en moins sur la relation de l'ego avec le je. La plus grande mystique, la plus grande déformation psychique de l'ego est basée sur le fait que dans notre grammaire et dans la conversation de notre grammaire, en mots vocabularisés pour la perception de notre ego, on s'institule en je afin de donner une définition précise à notre moi, alors que demain on s'intitulera en tu afin de pouvoir converser avec notre moi universel. Bye. Merci vraiment.